frénésie. Mais comment je suis arrivé cette tôle à toulée? Eh bien mesdames, bienvenue dans cette tôle des poupées. Pour celles qui se renouvellent dans la prison pour femmes de bâtiment, voyez en moi une sorte de mère qui dévore ses petits. Fermée avec toutes ces petites gens, et l'uniforme n'est vraiment pas très saillant. Y a-t-il quelqu'un par ici qui peut me laver mes bas? Un balai en congé dans la tôle des poupées. C'est trop pas juste, on a rien fait. Oh oui, oh, but j'ai laissé le fer à repasser branché. Corny se foutait de nous, je pourrais tuer ce pou. Mais tu l'as bien cherché dans la tôle des poupées. Get-go! Enfermée dans cette tôle. Madame, je veux une visite conjugale de mon homme chéri. Ton salon va tomber, faut pas te pencher. Bougez-vous les fesses, bande de feignasses. Yoro, mon estomac crie famine. Je n'ai rien avalé et je trouve pas la cantine. T'as eu 6 hamburgers, une pizza, un rat. Rien à bouffer dans la tôle des poupées. Patronne, je dois venir me plaindre. Écoute chérie, on ne s'est pas déjà rencontrés sur la première avenue. Appelez mes avocats, Liebstein et Strauss. Tu dois sortir de ça, c'est tout les poupées. Poupées, patrons, parents, papiers. Poupées, le combat vient de commencer. C'est notre liberté qu'elle veut étouffer. Et on doit se tirer de la tôle des poupées. T'as péché, hein. Maintenant faut payer. Plus rester ici. Mes cheveux s'aplatissent et j'ai pas mon petit ami. Oh Tracy, je déteste Rouspet et Erane. Mais c'est bien grâce à toi qu'on est toutes coincées là. Hey cool les filles, pas besoin de crier. Vous n'avez pas un vieux gars pour vous sortir de là? Ah, son père est un pervers, un loser, une sensuelle. Parle de mon mari, tu vas pourrir ici. Poupée, et toi, sors-moi de là. Poupée, tout faire péter, je vais t'aider. Justice, regarde vers moi, car tous les poupées, tous les poupées, tous les poupées n'est pas une place pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi.